Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Calendrier des esclavages et des libérations. Ce soir, au programme, eh bien, Yvan Rebroff, Le Temps du Muguet, Calendrier, Jean Ferrat, Les Jeunes Imbéciles. France Inter a piraté le discours inattendu de Macron. C'est un peu rigolo, vous allez voir. Musique Charles Trenet, Douce France, Douce France. Bompard, Emmanuel Bompard, France Insoumise. La bataille n'est pas terminée en juin. Gagnons le troisième tour. Musique Let It Be, Paul McCartney, en espéranto. Oui, c'est un chanteur anglais, mais il chante en espéranto. Eh oui, c'est étonnant, hein. Eh oui, mais non. Ben non, pas tant que ça, finalement. Éric Coquerel, législative, nous tendons la main au parti de gauche sur un programme. Un programme, oui, un programme, hein. Musique Enrico Macias, Ma Patrie. Mathilde Panot, nous souhaitons élire Jean-Luc Mélenchon. Musique François Béranger, L'État de merde. L'antimilitarisme et la libre pensée. Georges Brassens, Le Gorille. La situation au Sahel dans le contexte international. Wolfgang Amadeus Mozart, voilà, au piano et orchestre. Coluche, le chômage et la politique. Le chômage et la politique. Si nos hommes politiques avaient abordé le problème du chômage qu'ils fuient tous, parce que ce sont des pétochards, des froussards, des péteux, ben, s'ils avaient parlé du chômage et la politique, peut-être que les résultats auraient été différents, cette fois-ci et les fois précédentes. Mais on évite de parler du chômage, hein. On évite, on est lâche, on est traître. Musique classique 6, la question de l'eau, musique Jean Nana Mouskouri, je chante avec toi, liberté. Verre de rage, uranium de la colère, et puis voilà.

et cela requiert notre mobilisation générale. Car lorsqu'il est rassemblé, rien ne peut résister au peuple français. Regardons notre avenir avec lucidité et détermination. L'État, c'est une menace qui se concrétise. À cet égard, notre stratégie est d'infliger des dommages sur ces centres de pouvoir, c'est-à-dire sur ces centres névralgiques, politiques, économiques, militaires. Il faut pour cela mettre à mal cette politique d'infrastructure stratégique. Les infrastructures 5G, le cloud, décisif pour le stockage des données, les systèmes d'exploitation, les réseaux de câbles sous-marins, les systèmes névralgiques de notre économie mondialisée. Il faut que le désordre gagne les espaces communs, qu'ils soient océaniques, exo-atmosphériques ou cyber. Il faut que l'action directe fasse émerger clairement et fortement l'espoir et l'esprit de conquête. Elle est là, notre mission historique. Cette mission, la mienne, la vôtre, n'est pas dévolue à un petit nombre. Elle est dévolue à tous, car chacun y a sa part. Ces événements sont le signal d'un changement d'époque. Nous ne lâcherons rien. Je me souviens très bien de la dame qui était dans l'escalier quand le cocktail Molotov a été envoyé et qui a commencé à mettre feu à la préfecture. Elle m'a dit « Mais je connais le monsieur qui a lancé le cocktail Molotov. Sa fille est en classe avec la mienne. » Et il a dit « Vous allez rôtir comme des poulets. » Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Dans tous les cas, quand vous rentrez dans une campagne comme celle des élections législatives, l'objectif c'est de la gagner, quel que soit le président. Non, mais je posais la question par rapport à Marine Le Pen. Bah oui, mais d'être même en si Marine Le Pen avait, j'ai compris la question, mais si Madame Le Pen avait gagné, on n'allait pas vous dire pour autant qu'on avait envie de perdre les élections législatives. Donc, il me semble que ce soir, Marine Le Pen n'a pas réussi à s'emparer du pays. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et au mois de juin, il faut faire en sorte que Monsieur Macron ne conserve pas le pouvoir. Et pour ça, ça passe par le fait de voter pour une majorité de députés, de parlementaires, de l'Union Populaire, qui est ce mouvement qu'on a créé pendant l'élection présidentielle, qui a fait près de 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Et il faut que celles et ceux qui nous écoutent sachent que la bataille n'est pas terminée, que la partie n'est pas finie. Toutes celles et ceux qui sont déçus, qui sont inquiets, qui se demandent comment, qu'est-ce qu'on va faire face au réchauffement climatique, qui sont inquiets de leurs conditions de vie sociales, eh ben, on leur dit, au mois de juin, vous avez effectivement l'opportunité d'avoir un troisième tour. Le président de la République est aujourd'hui élu dans des conditions de rejet, de défiance, sans aucun enthousiasme, en réalité. Ce qui s'est passé dans ce deuxième tour, c'est un vote par défaut et par contrainte. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne considère pas, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai entendu juste tout à l'heure avec Monsieur Guérini, je considère pas qu'on puisse dire que la réélection du président de la République lui donne un enthousiasme ou une légitimité totale pour appliquer son programme. Et donc, à partir de ce moment-là, il est normal que les questions qu'on n'a pas tranchées aux élections présidentielles, on les mette dans la campagne des élections législatives. Il s'agit pas pour Jean-Luc Mélenchon d'être Premier ministre pour être Premier ministre. Il s'agit d'être Premier ministre pour appliquer un programme, bloquer les prix, augmenter le SMIC, faire en sorte qu'on réponde à l'urgence climatique, passer à la 6e République. Voilà, tout ça, on peut le faire. Il l'amènera comme candidat législatif lui-même ou pas? Bah, candidat, il a dit qu'il répondrait à cette question dans la semaine, mais en tout cas, il l'amènera comme chef de file, j'ai envie de dire, de l'opposition, chef de file de la majorité populaire qu'on veut constituer aux prochaines élections législatives. Discussion. Bien sûr, y a des discussions, effectivement. On a proposé, et c'était notre responsabilité de le faire, aux autres formations politiques qui n'étaient pas regroupées autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, de se retrouver, pas pour faire une union classique, mais pour se retrouver autour d'un programme, de propositions concrètes. On a mis notre programme, l'avenir en commun, sur la table, on a dit, venez. Bien sûr, c'est pas à prendre ou à laisser. Bien sûr, on peut discuter sur certains points. Mais retrouvons-nous autour de ce programme. Retrouvons-nous autour de cette stratégie. Et pour l'instant, ça prend ou ça prend pas? On discute. C'est pas ici que je peux vous dire, malheureusement encore, que ça le fait. Mais on y travaille. Et je pense que dans les prochains jours, j'espère en tout cas qu'on pourra annoncer de bonnes nouvelles. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Chi a mi trovi già sang mal joy, la di patrino helpas min, si diras saggia in vortoin estu tiel. En sen esperai horoi, mi sin vidas giuste antau mi, si diras sagiain vortoin, estu tiel. Estu tiel, estu tiel, estu tiel, estu tiel, si diras sagiain vortoin, estu tiel. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. see, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Kai kiam suferantai homoi volas vivi en consent. Venos la respondo estu tiel. Char ecce se dividitai ili celos chanson por concord. Venos la respondo estu tiel. Estu tiel, estu tiel, estu tiel, estu tiel. Venos la respondo estu tiel. Shine on me, shine on until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of the music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Kaj en obskuraj noktoj brilas tamen eta lum ĉe mi. Brilas ĝis matene, estu tiel. Vekiĝas mie muziksonoj, la Dipatrino venas. Dirante sanctain vortoin, estu tiel. Estu tiel, estu tiel, estu tiel, estu tiel. Si diras sanctain vortoin, estu tiel. Se timas vine havi plu la fortoin por resisti, nur diru vortoin, estu tiel. Retrovos vi curagion, igios bela via vivo, nur diru tiuin vortoin, estu tiel. Estu tiel, estu tiel, estu tiel, estu tiel, nur diru tiuin vortoin, estu tiel. Estu tiel, estu tiel, estu tiel, estu tiel, nur diru tiuin vortoin, estu tiel. Les discussions, les négociations ont débuté entre la France insoumise et les écologistes et les communistes et les socialistes et NPA. Ça se passe bien? On va vers une union de la gauche pour les législatives? La union de la gauche, non. On n'utilise pas ce terme-là parce que on pense que l'addition de plusieurs étiquettes qui n'auraient comme seule volonté que d'essayer de sauver le maximum d'élus, c'est pas ce qu'il faut au pays. Ce qu'il faut au pays, c'est quel programme on applique, sur quelle stratégie. Et de ce point de vue-là, on pense que le programme qu'on a porté au premier tour, avec succès, 22% des suffrages, eh bien, est à même, effectivement, de faire en sorte... J'entendais M. Macron dire 5 ans mieux. Pour qu'il y ait 5 ans mieux, faut pas qu'il applique son programme, faut qu'on applique le nôtre. Voilà. Et c'est ce que nous proposons aux partenaires. On propose de partager notre programme, partager notre stratégie, partager l'union populaire qu'on a su mettre en place pour les présidentielles. On a bien compris, effectivement, c'est sur la base de votre problème, de votre programme. Le problème, c'est que dans ce programme, il y a notamment la retraite à 60 ans. On a du mal à imaginer que les socialistes puissent se rallier à cette idée-là. Oui. Mais j'ai cru comprendre, hier, j'ai entendu Monsieur Faure, effectivement, dire que c'était compliqué. Bah, c'est à eux de voir. Ils pèsent 1,4% au premier tour. C'est à eux de voir s'ils ont envie de participer à ce que nous sommes en train de faire avec la main tendue que nous avons. Mais vous comprenez dites bien, vous comprenez bien. 1,5% au premier tour, sauf qu'ils ont beaucoup d'implantations locales. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous comprenez bien que de la même manière qu'ils ont procédé pendant des années pour le plus grand malheur de la gauche en appliquant une politique sociale libérale et en obligeant tous leurs partenaires à la valider, vous comprenez bien qu'à partir du moment où nous avons une validation d'une grande partie des Français pour notre programme et que nous estimons que c'est ce qu'il faut au pays, surtout c'est ça la nécessité, eh bien on va pas le galvauder pour je ne sais quel accord. La main est tendue, mais la main est tendue sur un programme de rupture parce que c'est surtout ce qu'on pense qu'il faut pour le pays. On fait pas la retraite à 60 ans pour faire en sorte d'évincer le Parti Socialiste, c'est pas notre préoccupation. On fait la retraite à 60 ans parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut. Je vous pose la même question sur les écologistes parce que eux aussi sont sur le maintien de la retraite à 62 ans. Est-ce que vous sentez qu'ils peuvent eux faire un pas vers vous? A priori oui, dans les discussions oui. Ce point-là par exemple que vous évoquez ne semble pas être un obstacle à ce que nous construisons quelque chose ensemble. Au moment où je vous parle, Alors les discussions sont en cours, donc il faut laisser le temps, mais c'est ce point-là, par exemple, ne semble pas faire un obstacle. Donc vous êtes plutôt optimiste pour les écologistes. Sur les communistes, là aussi, est-ce que c'est en bonne voie, en sachant que, par exemple, sur le nucléaire, ce serait en quelque sorte un joker. Jean-Luc Mélenchon veut la sortie du nucléaire, Fabien Roussel, pas du tout. Laissez les discussions se faire. Nous, on a dit qu'on était d'accord pour aménager notre programme de façon à pas contraindre nos partenaires. Sur la retraite de 60 ans, les communistes vont pas poser de problème. Ils ont 80% de leur programme qui était le même que le nôtre, raison pour laquelle on disait on pouvait être ensemble au premier tour. Donc on va bien voir comment ça s'avance. Mais bien évidemment, j'allais dire que cette construction pour être majoritaire, pour mettre Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, elle va se faire quand même principalement sur ce que nous estimons nécessaire pour le pays. Encore une fois, c'est ça notre problème. C'est pas une je ne sais quelle hégémonie. C'est parce qu'on pense que notre programme est bon pour le pays. Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire que sans accord avec toute la gauche, vous arriverez à obtenir les 289 députés. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous en avez 17. Oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Ça serait très bien qu'il y ait un accord. D'accord. Mais moi, mon souci principal, c'est de remobiliser tous ceux qui ont voté pour nous au premier tour. Tous ceux qui, nous ne gagnons pas, eh bien, subiront la retraite à 65 ans, le RSA obligé de travailler 20 heures pour avoir un RSA de misère, etc. Enfin, la politique de Monsieur Macron. Et cet électorat-là, on ne mobilisera pas avec je ne sais quel accord et compromission qui se dirait finalement, il recommence comme les années précédentes, ils n'ont rien compris. On le mobilisera avec un programme clair. On a d'ailleurs failli le réaliser au premier tour, à 1% près. Donc c'est ça qui est mon principal souci. Il pourrait y avoir des ministres insoumis au sein du gouvernement Macron prochainement? Non, bien sûr que non. Ça, c'est pour vous impossible? Oui, parce que si vous croyez les paroles de M. Macron hier, c'est que vous croyez à beaucoup de communication politique. Moi, j'en crois pas un mot. Il a d'ailleurs dit que c'est son projet qui était majoritaire. Ouais. Moi, je pense que c'est le président le plus mal élu de la Ve République, d'un point de vue politique surtout. Très, très peu de suffrages parmi les inscrits. Le pire depuis Pompidou, abstention à 28%, et surtout politiquement. Madame Le Pen a gagné quand même 8 points en 5 ans à cause de sa politique et on voit qu'il y a à peu près même pas un quart des Français qui en réalité ont voté Monsieur Macron pour son projet. Donc il est minoritaire dans ce pays, rien n'est réglé politiquement et c'est bien pour ça que nous pensons qu'au troisième tour on peut être majoritaire. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour répondre finalement aux 7,7 millions de voix qui se sont portées au premier tour sur Jean-Luc Mélenchon? Je vous le dis à l'avance, il ne va pas répondre. La preuve, j'ai bien entendu hier, il disait que son projet qu'il a porté, la retraite à 65 ans, le fait de continuer à baisser les impôts pour les plus riches, etc., etc., avait une majorité. Monsieur Macron nous a habitués depuis 5 ans à faire certainement des replis tactiques au moment des gilets jaunes et finalement à continuer sa politique de casse sociale et néolibérale. C'est ce qu'il va essayer de faire pendant 5 ans et c'est ce qu'il faut l'empêcher de faire le 12 et 19 juin prochain. Où le ciel et la mer se ressemblent, et vêtus de soleil et noyés de bleu tendre, Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma patrie, où le ciel et la mer sont les mêmes, les a fait, elle et lui, comme un couple qui s'aime. Tous les deux, au matin blanc comme un lait d'amande, et le jour tout ébloui, frangé d'or et de chaleur. Tous les deux, reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs. Ma patrie, où le ciel et la mer se ressemblent, a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante, un chant pur et fraternel dont les mots sont éternels, où je vais le cœur tendu et les pieds nus. Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent, c'est là-bas un pays sans mur et sans armure. Et je vois rire une fiancée sur la plage, elle attend au soleil fou, elle court au rendez-vous, où l'amour jaillira dans un élan sauvage, comme un cri né sur la mer, comme un pain dans la lumière, où l'amour nous fondera tous les deux comme un bleu de mirage, dans la mer et dans le ciel, dans le ciel de ma patrie. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Nous vous accueillons avec Alba Ventura, vous êtes députée insoumise du Val-de-Marne. Jean-Luc Mélenchon continue de nous demander d'élire Premier ministre, mais ses premiers mots consistent à attaquer un président de la République réélu avec 58,8% des voix et quasiment 19 millions de bulletins. Vous trouvez pas que c'est un peu gros quand même ? Pas du tout, parce que quand vous regardez, vous avez 17 millions de personnes qui hier se sont soit abstenues, soit ont voté blanc, soit en voter nul. Et vous rajoutez à ça le fait que des sondages ont montré que 42% des gens qui avaient glissé un bulletin de vote dans l'urne d'Emmanuel Macron l'ont fait pour faire barrage à Madame Le Pen. Donc oui, mais pas pour dire qu'ils voulaient Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Bah écoutez, nos électeurs n'ont pas disparu dans la nature non plus, hein. Donc il faut quand même se poser des questions. Donc oui, là nous avons un président de la République qui est certainement un des plus mal élus, voire le plus mal élu depuis 50 ans. C'est faux. Depuis 69. Vous savez très bien que non, ça dépend vrai. Comment on le lit. Oui. Si vous prenez les inscrits comme le fait Jean-Luc Mélenchon, vous savez quel est le score de Jean-Luc Mélenchon avec les inscrits ? C'est pas 22%, c'est 16,3%. Oui, et donc ? Mais donc c'est faux votre calcul. Non, non, c'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1969. Ou comme vous vous en rappelez peut-être, la gauche avait appelé au boycott à ce moment-là. Donc quand même, quand vous avez un président de la République qui est contre l'extrême droite dans notre pays, et qui fait ce score-là, nous avons le droit d'analyser politiquement cette situation pour dire que oui, Emmanuel Macron a été élu par des gens, notamment, qui voulaient faire barrage au Front National. Et je crois que c'est la stratégie que nous avons posée en disant que cette élection présidentielle n'a pas réglé un certain nombre de sujets. Nous avons trois grands blocs dans le paysage politique. Vous avez le bloc autour des macronistes, donc de ce que nous on appelle un extrême marché qui a montré toute sa violence à un moment, et vous devriez vous poser des questions sur pourquoi est-ce que le score dans les Antilles est parfois jusqu'à 70% pour Marine Le Pen. Est-ce que vous croyez que les gens dans les Antilles sont réellement racistes ? Non, ils ne le sont pas. Mais quand vous envoyez le GIGN et le RAID, quand vous n'avez pas d'eau, quand vous avez une santé, un hôpital qui est complètement détruit, eh bien oui, oui, à la fin, les gens utilisent un bulletin de vote qui fait lui-même barrage à Emmanuel Macron. Donc oui, nous avons un président qui est mal élu, oui, qui ne devrait pas fanfaronner ou danser comme je l'ai vu avec ses ministres, et oui, des choses peuvent se régler lors de ce troisième tour des législatives où nous pouvons encore avoir un premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon et qui prendrait dès le lendemain le décret pour augmenter le SMIC à 1 400 €, qui prendrait le décret pour bloquer les prix alors que les gens sont complètement étranglés par la pauvreté dans notre pays. Donc, c'est l'horizon que nous projetons suite à cette élection présidentielle. Panot, vous avez cité les enquêtes il y a quelques instants qui indiquent que 44% des insoumis n'ont pas voté au second tour. Heureusement que Marine Le Pen n'a pas été élue parce que vous porteriez une très grave responsabilité si tant est que la France insoumise l'estime plus dangereuse qu'Emmanuel Macron. Non, alors là vous non, je vois bien le petit jeu dans lequel vous voulez nous glisser. Qu'est-ce qui n'est pas clair quand Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le Rassemblement national, pas une voix pour le Rassemblement national? Je crois que c'est extrêmement clair. La deuxième chose, c'est que vous savez, les électeurs ont ce qu'on appelle un cerveau. Ils sont intelligents et je crois que les consignes de vote qui étaient finalement un temps politique qui aujourd'hui, je crois, est révolu, eh bien les gens ont su quoi faire parce que si Marine Le Pen est battue, c'est aussi grâce à nous. Et je vais vous dire que nous avons défait Marine Le Pen et maintenant nous allons tout tenter pour, comme objectif, imposer Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron comme Premier ministre. Mais vous n'avez pas bénéficié d'un vote d'adhésion, vous, au premier tour. Vous avez bénéficié aussi d'un vote utile, Mathilde Panot. Eh bien, là aussi, les enquêtes montrent que 80% des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon l'ont fait pour le programme. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, le fait de faire 22%. Pourquoi faisons-nous avec ce pôle populaire, avec ce troisième bloc, pourquoi faisons-nous 22% sur la question d'une stratégie? Et la stratégie, elle est autour justement d'un programme. C'est ce que nous voulons mettre en commun aujourd'hui pour continuer à consolider et à élargir ce pôle populaire. Mais elle vient autour d'un programme. Et donc non, nous n'avons pas eu, alors peut-être un peu de vote utile, mais ce n'est pas la majorité des gens qui se sont rassemblés autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parlons-en du bloc populaire. Et je crois que ce pôle est solide. Alors vous l'appelez le pôle, vous. Alors parlons-en de ce pôle populaire. Ça veut dire quoi et que faites-vous des socialistes, par exemple, qui ont dirigé le pays pendant 20 ans? Alors, nous, ce que nous avons proposé à différentes forces politiques, c'est de mettre en commun, finalement, à la fois notre stratégie. On peut les citer pour nos auditeurs? À qui tendez-vous la main en ce moment? Alors, nous avons des discussions avec Europe Écologie Les Verts, nous avons des discussions avec le Parti communiste français, nous avons écrit au NPA. Donc voilà, nous avons cette discussion-là. Et ensuite, sur la question des socialistes que vous posez, sur la question des socialistes, nous leur disons que comme nous voulons mettre en commun notre stratégie et notre programme pour faire avancer ce pôle populaire vers un gouvernement d'union populaire, puisque c'est l'enjeu de ce troisième tour et de ces élections législatives, nous leur disons que si nous voulons être sérieux, si nous voulons vraiment faire un gouvernement d'union populaire, alors il faut, à ce moment-là, être d'accord sur un certain nombre de points programmatiques. J'ai entendu Monsieur Faure hier qui répondait à mon collègue Manuel Bompard, qui lui répondait que sur la retraite à 60 ans, il n'y était pas favorable, de même sur la 6e République. Donc, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Mais il n'y a pas d'exclusive dans les discussions que nous sommes en train de faire. Mais pourquoi ça marcherait aujourd'hui alors que ça n'a pas marché avant? Vous n'avez jamais réussi à réunir tout le monde, oui. Ou plutôt le PC n'a jamais voulu vous rejoindre, les écolos n'ont jamais voulu vous rejoindre. Eh bien parce que je crois que ce qui s'est passé avec cette élection présidentielle, c'est justement le gros événement, c'est justement la constitution de ce pôle. Et quand vous regardez, la différence peut-être avec 2017, c'est que nous avons ce Parlement de l'Union Populaire. Dans ce Parlement de l'Union Populaire, nous avons donc Aurélie Trouvé, qui a été porte-parole d'Attaque pendant 14 ans, qui le préside, et vous avez dedans des associatifs, des syndicalistes, des artistes, des écrivains, mais vous avez aussi des écologistes, des communistes, y compris même des socialistes qui sont dedans. Et pourquoi sont-ils là? Ils le sont tous autour d'un programme. Et c'est cette stratégie que nous mettons en commun. Donc je pense que si nous continuons à bien avancer comme nous le faisons actuellement, nous pouvons travailler sur des choses qui sont sérieuses et qui sont programmatiques, qui pour le coup n'est pas une addition de logos, qui n'est pas l'union de la gauche comme elle l'était, mais qui est vraiment la mise en commun de cette stratégie et de ce programme. Vous voulez rassembler tout le monde sous une même bannière? Tout à fait. Sous un même nom? Ce serait quoi ce nouveau nom? Alors ça serait, en tout cas c'est la proposition qu'on fait, c'est ce qui avance dans la discussion, mais ça serait cette question de l'Union Populaire, qui est une bannière qui est plus large que la France Insoumise, et qui se retrouverait donc autour de points programmatiques. Je parlais de la retraite à 60 ans, je parlais de la 6e République, de la bifurcation écologique de nos sociétés, bref, des grands enjeux qui attendent notre pays. Dans ce programme, il ne serait pas question de sortir de l'Europe, hein?

mais c'est bien fini, on en a assez. Chers amis, chers camarades, sur l'antimilitarisme et la libre pensée. Donc, je partirai sur un questionnement sur à la fois qu'est-ce que la guerre et le fait d'essayer de comprendre la guerre. Parce que ça va donner toute la place, je pense, de la libre pensée, justement, en 1914. La société bourgeoise a beau, par la guerre, essayer de dépasser ses propres contradictions, elle ne fait en fait qu'accélérer sa propre destruction. La guerre est d'abord la destruction des rapports sociaux et l'annihilation des différents acteurs qui les constituent, et je pense que Jean-Marc a bien expliqué cela tout à l'heure. Au premier plan de ces acteurs, les syndicats, les partis, les associations démocratiques. Et la libre pensée, la plus vieille association de France, n'a pas échappé à cette logique. Ainsi, en 1918, Léon Prouvot, secrétaire de la libre pensée raphaéloise, écrit « La guerre a détruit en grande partie l'organisation de la libre pensée. Les membres de nos groupes sont disséminés de tous les côtés. Après la guerre, il sera utile d'organiser un congrès international comme celui de septembre 1905 à Paris. Les forces libre-penseuses devront être constituées pour lutter efficacement contre les dogmes qui entravent le développement de l'humanité. La libre-pensée, qui a permis la séparation des églises et de l'État, s'est retrouvée en fait confrontée à l'Union nationale, au recul des organisations ouvrières. La libre-pensée s'est en fait trouvée politiquement désarmée et dépassée. Alors qu'elle était la gardienne de la loi de séparation des églises et de l'État, cette question ne semble plus au centre des préoccupations. C'est là où le cléricalisme ressort. Et par effet de boomerang, c'est là aussi où l'anticléricalisme va aussi reprendre force et vigueur dans les tranchées. Comment s'est construit l'antimilitarisme dans la libre pensée? Quels sont les apports du mouvement antimilitariste à la libre pensée? Face à une situation inédite, il y a toujours des attitudes nouvelles. La place de la libre-pensée, le développement de son antimilitarisme, va se construire tout au long du conflit. Une association qui se bat contre les dogmes est normalement aux avant-postes de la lutte contre la guerre. D'autant plus si les tenants du dogme cherchent à revenir au pouvoir, s'appuyant sur le caractère exceptionnel qu'est la guerre. Chacun comprend aisément qu'une situation d'exception peut faire basculer toutes les libertés, tous les rapports politiques et sociaux. Et nous n'y échappons pas aujourd'hui. C'est donc par le prisme de quelques libres penseurs que la réflexion, puis le combat antimilitariste, se dessinera. Alors décharge, dans un pays où la censure, les droits les plus élémentaires sont bafoués, où les hommes sont fusillés parce qu'il faut avancer, nul ne s'étonnera de la chape de plomb sur la libre pensée. Il nous revient pourtant de nous étonner de découvrir ces voix qui, au-dessus de la fumée des combats, apportèrent la lumière et la raison. Le courage ne tient parfois qu'à cela. Cette construction se fera d'abord à travers la lutte contre le cléricalisme d'avant-guerre, comme une graine que l'on plante et dont on ne voit pas encore les fruits. Militarisme et cléricalisme, deux mamelles du capitalisme. Pour l'universitaire Marc Angenot, le militarisme, mot attesté dès le Second Empire, est calqué sur le cléricalisme dans les cas désignant la prépondérance d'une caste, et, je cite, « un terme qui s'est répandu dans toute la gauche républicaine pendant l'affaire Dreyfus », il a désigné pour le bourgeois Dreyfusard, excusez-moi, l'arrogance et les manœuvres de la caste militaire contre la France républicaine, les plans ourdis par les officiers réactionnaires en cheville avec les ligues nationalistes contre la démocratie et le droit. Pour le militant socialiste, au contraire, même s'il fut Dreyfusard, le militarisme est bien plus et autre chose. Il est l'essence du régime capitaliste, il en est le visage répressif, et l'exacerbation des luttes sociales qui met au début du XXe siècle ce rôle contre-révolutionnaire de mieux en mieux en lumière. » Fin de citation. Si l'affaire Dreyfus a divisé la société française, il peut apparaître juste de considérer qu'elle est une réfraction des clivages créés à partir de la Révolution française. De ces divisions, l'affaire Dreyfus prend de telles dimensions qu'elle marquera tout le personnel politique du XXe siècle. En revanche, pour notre propos, il est important d'expliquer ces jalons qui ont permis l'antimilitarisme d'être une des quatre colonnes du temple de la raison. Après les mots, les actes. Notamment, à travers les actes du ministre de la Marine, le radical socialiste Camille Pelletan, qui prit des décisions sous le gouvernement Combes qui irritèrent les militaires. Il prit comme décision notamment le fait que les ordres religieux soignants furent bannis des hôpitaux navals et le rite même du baptême des nouveaux navires fut abandonné. Toutes ces nouvelles mesures avaient pour objectif de marquer la marine d'une empreinte républicaine, provoquant ainsi la colère de la hiérarchie navale et des partisans de celle-ci. Fils de libre penseur, conférencier pour la libre pensée, Camille Pelletan est encore aujourd'hui honni. Honni par les militaires et par la marine. Pour preuve, le numéro d'études de marine de mars 2013 de ce fameux ministère de la marine, qu'il dit « De 1902 à 1905, Camille Pelletan gère de façon partisane la rue royale contre les amiraux, jugés par définition rétrograde, factieux et incompétents, en pleine course aux armements navals, alors que les tensions internationales ne cessent de s'aggraver, il ralentit la construction des cuirassés Patrie, pourtant votés par le Parlement, suspend les habituelles grandes manœuvres, ne convoque plus le Conseil supérieur de la Marine et soutient sans nuance le syndicalisme révolutionnaire dans les arsenaux. La lutte anticléricale a fortement marqué ainsi la hiérarchie militaire et la Marine, de loin la plus élitiste, qui vit quelques amiraux démissionnés pour entrer en politique contre ces fameux républicains, contre cette république de la séparation des églises et de l'État. Et déjà, avant le début des affrontements, certains groupes de libre-penseurs développèrent toute une panoplie de lutte contre la guerre, toute une panoplie de thèmes de lutte contre la guerre. Ainsi, le 3 et le 4 juin 1906 se tient à Lyon le Congrès de l'Est, organisé par l'Union des sociétés de libre-penseurs du Rhône. Sous la présidence d'honneur du citoyen Herriot, maire de Lyon, la troisième commission de ce congrès traite de la libre-pensée et le pacifisme présenté par l'Union fédérale des sociétés de libre-penseurs du Rhône, le pacifisme présenté par la libre-pensée du 1er arrondissement de Rhône, quelle doit être l'attitude d'un libre-penseur en temps de guerre présenté par la libre-pensée de Lyon, accentuation des efforts de la libre-pensée vers le pacifisme présenté par la libre-pensée du pont de Beauvoisin, suppression des conseils de guerre dès la rentrée des chambres présentée par la libre-pensée de V et la libre-pensée de Villeurbanne. Ainsi, la libre-pensée s'arme intellectuellement, politiquement, contre le militarisme et pour lutter contre la guerre. En 1913, de nombreux meetings se tiennent contre la loi des 3 ans, où l'on prépare notamment la jeunesse à plonger dans l'enfer de 4 ans de guerre. Bien entendu, personne ne sait que la guerre va arriver, même si tout le monde la pressent, mais personne n'en connaît la date. Certes, les dates ne sont fixées, ne sont pas encore fixées, mais les alliances, elles, sont scellées. Alliance des gouvernements, alliance des trusts. Les ouvriers s'allient donc dans le rejet de la loi des 3 ans de service militaire. Il n'est donc pas étonnant de voir en juillet 1913 les citoyennes libre-penseuses Antoinette Covin-Durand de Gros et Maria Vérone être oratrices dans un rassemblement contre cette loi inique. C'est la même Maria Vérone qui prendra le 25 mai 1913 au grand meeting du Pré Saint-Gervais avec Jaurès devant 150 000 personnes la parole. Et fidèle à ses engagements, Maria, après l'assassinat de Jaurès et la mobilisation générale, lancera un appel désespéré aux femmes pour s'allonger sur les voies afin d'empêcher le départ de trains de soldats vers le front. L'engagement des militants de la libre-pensée, qui peuvent aussi être des syndicalistes, des anarchistes, des socialistes, des pacifistes, les amène, quand ils ne sont pas sous l'uniforme, à subir les foudres du pouvoir. Ainsi, Julia Bertrand, dite « la poupée du diable », pacifiste, est arrêtée le 21 août 1914 sur dénonciation du maire de Charmoy-l'Orgueilleux, où cette institutrice est en poste. Elle est révoquée en octobre de la même année. En avril 1913, dans le canton de Maillé, Charles Lignol explique ce que doit être la libre-pensée et comment se construit un libre-penseur, et il termine son discours par un vibrant éloge de la fraternité qui doit unir tous les peuples et leur faire repousser toute idée de guerre, source de tant de ruines et d'effroyables massacres. En juillet 1913, au Mans, le citoyen crétois organise une conférence contre la guerre pour aboutir en novembre à une réunion unitaire contre la guerre le samedi 30 novembre, qui a eu lieu dans la salle Chalet, au Mans, et une grande réunion publique organisée contre la guerre par le Comité socialiste, la Ligue des droits de l'homme, les syndicats ouvriers et la libre-pensée. Dans ce colloque, dans cette réunion, plutôt dans ce meeting, les citoyens Euzé, Richer, Deschamps, Crétois, Loyer y ont tous pris tour à tour la parole. Un ordre du jour se terminant par le cri « Guerre à la guerre » a été voté à l'unanimité. Nous étions en juillet 1913. À l'instar de nombreuses organisations, la libre pensée se préparait ainsi à l'affrontement promis si la guerre éclatait. On nous avait promis. On nous avait promis l'affrontement contre les fauteurs de guerre de notre pays. Mais l'exécution de Jean Jaurès, premier fusillé pour l'exemple, rompit la digue. Les flots de sang, ceux de nos frères, allaient couler. Pourtant, pendant la guerre, les années de séparation sont entrées dans la conscience des ouvriers et des paysans. Des instituteurs, des avocats, des journalistes, qui, dans cette conscience-là, reprendra ses droits alors qu'ils sont sous l'uniforme. L'anticléricalisme va se confondre avec l'antimilitarisme. Et en lisant, par exemple, la lettre de soldat, on y trouve, je cite, « Et c'est honteux de voir les officiers supérieurs à la messe tous les dimanches et entendre parler au curé que la guerre ne finira pas tant que les hommes ne seraient pas tous revenus à la croyance dans l'Église. » Thierry Bozon l'explique ainsi. Il dit « C'est sur la base du renforcement du militarisme que se développe l'offensive cléricale, le poids du militaire appelant celui du religieux. L'ensemble confère un avant-goût de réaction, une connotation d'ancien régime à la France de 1916. » Parlant de la conduite des officiers, un combattant nous livre que le peuple est l'esclave d'une aristocratie qui, pour être né hier, n'en est pas moins tyrannique. Cet autre lance, lui, un retentissant « Abat la guerre et ses tyrans ». La guerre, champ d'action des forces réactionnaires, devient chez les socialistes et les républicains le lieu d'un affrontement familier au carrefour de la réalité historique et de l'imaginaire collectif. Ainsi, De fait, l'action pacifiste s'engage dans une lutte qui l'oppose violemment aux groupes sociaux qui l'oppriment. L'armée et sa hiérarchie au premier chef, l'Église qui réapparaît sur le champ de bataille et à l'arrière, comme l'institution accompagnant et justifiant la guerre, mais ne combattant pas. La collusion de l'Église avec l'état-major assassin est dénoncée par le libre-penseur Robert Chardon en 1923. On peut dire qu'à travers ce type d'article, la construction antimilitariste de la libre-pensée se cherche et se construit. Robert Chardon attaque certes l'Église catholique comme de sinistres saltimbanques qui ont prostitué le Christ et qui chaque jour le reclouent sur son gibet en présentant l'éponge imbibée de fiel de leur hypocrisie, mais l'anticléricalisme, ce n'est pas simplement un réflexe primaire de dénonciation de riches cléricaux, mais bien la mise en cause d'un système où, du moindre village, le curé en chaire y allait de son couplet guerrier. Dans les églises, par exemple, le meurtre avait élu asile car l'on y recueillait l'or, l'on y faisait souscrire aux emprunts qui servaient à payer les coûteux moyens des grandes hécatombes humaines. Ici, Chardon utilise le dogme de la religion qui appelle à l'amour du prochain et arme les hommes pour qu'ils s'entretuent. Antidogmatisme, anticlérical, pour finir, antimilitariste. Nous connaissons bien évidemment la censure concernant la correspondance des poilus. Si Dieu apparaît dans certaines correspondances, c'est une grande partie des lettres qui ne la mentionne pas. Ainsi, les hypothèses pour rendre compte de ce mutisme persistant sur la dimension religieuse ne changent pas. Soit il y a absence effective de mention de ce type dans la correspondance des combattants, soit les censeurs, estime qu'il s'agit de données relevant de la vie privée, soit encore, et c'est, je pense, une hypothèse vérifiable et justifiable, soit encore les contrôleurs ne veulent pas aborder un sujet potentiellement conflictuel, et notamment les débats sur la séparation des églises de l'État, qui ne sont pas encore oubliés. Au front, effectivement, et dans les tranchées, il ne faut pas ouvrir d'autres débats. Il ne faut pas de débats politiques. Il faut rester dans le silence des obus, de la souffrance, des balles, de la boue, des pleurs et des morts. Pourtant, l'effort des libre-penseurs, des dirigeants de la libre-pensée pour reformer les sociétés de libre-pensée, pour ressortir les publications de la libre-pensée, ceux-là qui ont fui la police, contourné la censure, reprennent les réflexions des débats d'avant-guerre. Si les textes sont voués aux gémonies de la censure et les auteurs à la prison, comme ce fut le cas d'André Lorulot, la recherche et la réflexion correspondaient aux écrits d'avant-guerre. Et il y a des débats qui ont survécu, notamment sur le fait d'être antimilitariste ou simplement pacifiste. Dans le congrès de 1906, que j'ai cité tout à l'heure, à Lyon, les libres penseurs écrivaient la chose suivante. Quelle doit être l'attitude d'un libre penseur en temps de guerre? Cette question ne peut être résolue qu'en étudiant le pacifisme et l'antimilitarisme. La propagande pacifiste est un coup d'épée dans l'eau si l'on considère qu'elle est soutenue par les patriotes et même par les monarques de tous les pays. Tous les gens ayant besoin de l'armée pour maintenir leurs privilèges ne peuvent sincèrement en demander la suppression. Examinons les moyens principaux préconisés par les pacifistes pour rendre leur action efficace. Le boycottage des nations belligérantes, mais au cours des derniers conflits dont nous avons été spectateurs, guerre russo-japonaise, ou même acteurs, expédition de Madagascar, nous ne l'avons pas vu employé. La constitution d'un tribunal suprême d'arbitrage international, constatons la faillite du pacifisme et substituons-lui l'antimilitarisme. L'antimilitarisme n'est pas celui qui conseille de tirer ou non sur les officiers, il est tout simplement, comme son nom l'indique, celui qui est partisan de la disparition des armées. Le rapport se termine par ces mots, en conséquence et comme conclusion, considérant que seule la disparition des armées permanentes peut et doit amener le bonheur de tous les êtres humains, prenant exemple sur le capitalisme qui, dans sa classe, ne se reconnaît pas d'ennemi au-delà des frontières, nous déclarons que le libre penseur doit refuser de faire la guerre. Le débat de 1906, qui est intéressant, entre les militants pacifistes et les militants militaristes, ne fut jamais tranché au sein de la libre pensée. Encore aujourd'hui, on peut dire que deux courants existent, coexistent, et ce sont, je dirais, les situations qui nous appellent à réfléchir puis à prendre position. Lors de la Première Guerre mondiale, il fut de même. Mais parce que le pays était en guerre, c'est l'antimilitarisme qui a dominé les débats. Il fallut attendre 1917, date de republication de l'idée libre, où d'abord les libres penseurs usèrent de ruses en publiant notamment des poèmes pacifistes, puis enfin quelques brochures, notamment celle d'Émile Noël en décembre 1917, qui s'intitule « La guerre, faillite de Dieu et des religions », où il y établit le fait que l'Autriche, très catholique, la France officieuse catholique dans la majorité des croyants, comme l'Italie officielle et aussi la Belgique, font appel à l'aide de Dieu pour obtenir la victoire, tandis que l'Allemagne officiellement protestante, par la voix et les prières de son empereur, en appelle à un Dieu plus ancien pour obtenir le même résultat. Et il dit « Quelle gabegie ! Il serait risible si les temps ne s'étaient pas chargés d'abomination de voir l'association hybride des religions ennemies. Car de tout temps, du jour où elles naquirent, sous la volonté d'individus faillibles et sans mandat, les religions furent rivales dans la pratique de leur culte. La seule chose qui ne les différencia jamais, le crime. » Vous allez me dire, belle tirade anticléricale. Mais ne s'agit-il que de cela? Émile Noël poursuit. C'est ce Dieu que les conseillers généraux de Loire inférieure, dans leur session d'avril 1917, voudraient qu'on invoque. Après 3 années de guerre, et quelle guerre, ces messieurs bien-pensants, ces galonnés, demandent à ce que le peuple français, par délégation de son gouvernement, dans les actes officiels et publics, en appelle à la puissance et au secours de Dieu. Et dénonçant les fauteurs de guerre, Émile Noël lance à ses citoyens sous l'uniforme et aux soldats, « Eux sont à l'arrière, la guerre est à l'avant. » Et comme un programme de reconquête d'une laïcité perdue, et pas simplement mis entre parenthèses, il souligne « Ce n'est pas écrire avec haine de dire que depuis la guerre, l'élément révolutionnairement antilaïque s'est multiplié. » L'essence donc de la libre pensée, chers amis, chers camarades, est de combattre les dogmes, les cléricalismes, le militarisme et l'exploitation de l'homme par l'homme. Si la guerre n'est pas seulement un acte politique, mais encore un véritable instrument de la politique, une continuation des transactions de celle-ci, une suite que l'on donne par d'autres moyens, comme le dit Clausewitz, alors il nous revient de ne pas accepter cette continuation, de rompre le rang, de dire non. C'est le sens du monument que nous érigerons pour la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Le progrès ne peut s'arrêter tant qu'il reste à l'être sa raison, son esprit critique. Aujourd'hui, en 2015, les bombes massacrent, les fanatiques tuent. L'infamie perce et laisse des trous. Pourtant, calé dans la boue de la tranchée, ce poilu nous parle encore

le ministre des Affaires étrangères du Danemark, soutenu par la France, la Suède et Bruxelles, avec mépris, dédain, arrogance, a d'abord refusé, déclarant que cette demande était sans fondement et que la France était d'accord pour qu'il reste. Dans la même veine, l'Allemagne, où la coalition au pouvoir est à présent dirigée par les socialistes, après qu'un de leurs avions militaires a été interdit de survol de l'espace aérien malien, a fanfaronné qu'elle ne quitterait pas le Mali pour ne pas laisser le champ libre aux Russes. Tu viens chez moi et quand je te demande de partir, tu dis que tu ne bouges pas. C'est d'ailleurs à cause des réponses que j'ai apportées à ces politiciens européens paternalistes et belliqueux que mon compte Twitter a été suspendu puis shadowbanned, et qu'un de mes tweets a été purement et simplement supprimé par Twitter, comme ils l'ont fait précédemment pour Trump ou Buhari. Cette attitude pleine de condescendance et teintée de racisme n'est pas seulement l'apanage des politiques. Même les individus lambda en sont imprégnés. Vous n'avez pas remarqué que quand vous affirmez votre ras-le-bol du néocolonialisme français ou votre volonté d'autodétermination à un interlocuteur européen, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, ça finit quasiment toujours par « vous allez voir, quand vous allez être colonisé par les Chinois ou les Russes, vous serez bien avancé ». Mais ce n'est plus votre problème, messieurs, dames. On vous dit de partir. Le reste ne vous regarde plus. On fera nos expériences, on aura nos succès, nos échecs, nos erreurs. On rectifiera, mais on assumera tout, car on l'aura fait en toute souveraineté. Laissez-nous, partez. Vous voyez bien que vos gesticulations ne portent plus. Vous avez crié que si on ne réinstalle pas Ibeka, vous allez partir. Ibeka n'a pas été réinstallé, il est même mort chez lui entre-temps. Et vous, vous êtes toujours là. Vous avez hurlé que si les Russes viennent, vous allez partir. Les Russes sont là et vous aussi, vous êtes encore là. Vous avez pris des sanctions contre tout un peuple pour essayer de décourager l'émulation de la résistance au colonialisme français dans la zone. Résultat, coup d'État au Burkina Faso dans la foulée et d'autres pays sur lesquels je reviendrai sont déjà dans les starting blocks. Aujourd'hui, face à la véhémence du rejet de la présence française au Sahel, vous avez changé de doctrine. La ministre française des Armées a ainsi énoncé il y a quelques jours, et je la cite, « On ne quittera pas le Sahel, on s'adaptera au coup d'État ». Fin de citation. Peut-on être surpris de la part de gens qui, depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand, alors qu'ils célébraient les droits de l'homme chez eux en France, se sont parfaitement accommodés des partis uniques et des dictateurs chez nous en Afrique. Peut-on être surpris de cette déclaration quand Emmanuel Macron est allé lui-même investir le putschiste Mahamat Deby au pouvoir au Tchad après l'assassinat, bien à propos et toujours non élucidé, de son géniteur? Ça a le mérite d'être clair. Nous sommes face à une agression, face à des armées d'occupation. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Ils ne se cachent d'ailleurs même pas pour le dire, c'est nous qui n'aimons pas écouter. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Macron l'a redit le 19 janvier 2022. C'est en Afrique que se joue notre avenir. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde, une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. Sauf que le « nôtre » qu'il évoquait en parlant de l'avenir, ce n'est pas celui des Européens. C'est celui d'une petite caste qui tremble à l'idée de perdre le pouvoir en France. Ce qui se joue au Mali, c'est plus l'élection présidentielle en France et l'avenir de leur groupe que la préoccupation du bien-être des Européens ou des Maliens. Macron, Le Drian, parlait. Il ment à l'opinion française, il ment à l'Assemblée nationale française, il ment à la presse française, il ment aux militaires français, il ment aux Européens, il ment aux autorités africaines. Ils mentent aux peuples africains. Nous sommes tous victimes des turpitudes et des mensonges de ces gens. Il dilapide les ressources des contribuables français sans aucun résultat pour ces derniers et il pille nos ressources sans aucun résultat pour nous, Africains. La migration continue malgré les fonds publics européens gaspillés soi-disant pour lutter contre les migrants traversant le Sahel pour venir en Europe. Dans son récent rapport, Amnesty International dénonce la complicité des États européens qui continuent honteusement d'aider les gardes côtes libyens à capturer des personnes en mer et à les renvoyer de force dans l'enfer de la détention en Libye. Les centres de détention sont devenus des prisons à ciel ouvert où les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. L'ONG a recensé plusieurs cas de femmes violées par des gardiens en échange de nourriture ou de liberté. Aux violences sexuelles s'ajoutent des actes de torture, du travail forcé et toute autre forme d'exploitation. Nous en souffrons car ce sont nos enfants qui se retrouvent pris en esclavage par des djihadistes financés par les impôts européens. Des djihadistes qui sont supposés leur couper la route, mais qui, en plus de les torturer et de les tuer, préfèrent progresser pour occuper tout le Sahel jusqu'aux rives du golfe de Guinée. Comme je l'avais déjà spécifié dans une vidéo dont je remets le lien ici, ce n'est pas le peuple de France qui est dans notre collimateur, c'est le système qui envoie leurs enfants et nos enfants au Sahel. Quand un soldat français y meurt, on lit partout « mort pour la France ». Mais c'est faux. Leurs enfants, comme nos enfants, ne meurent pas pour la France, ne meurent pas pour le Mali, le Burkina ou l'Afrique. Ils sont sacrifiés par une caste à Paris pour la survie de leur pouvoir plutôt que pour la survie de l'Europe ou pour l'amour de l'Afrique. Pour étayer cela, je vais parler d'un événement très révélateur qui est passé quasiment inaperçu. Dès l'annonce du coup d'État au Faso, Cyril Bolloré, accompagné de Nicolas Sarkozy, a répliqué à Abidjan pour voir Ouattara. Pensant bien sûr que Macron allait prendre à l'encontre du Burkina les mêmes sanctions qu'envers le Mali, Bolloré, dont le terminal à conteneurs est une manne d'or grâce en grande partie au train qu'il fait circuler depuis Abidjan jusqu'au Niger en passant par le Burkina, est venu parler à Ouattara pour souligner qu'une telle mesure tuerait son entreprise. Car les bateaux vont entrer avec des milliers de conteneurs et des citernes dans son terminal qui ne pourront plus être acheminés vers les gros clients du Burkina et du Niger. Si vous fermez les frontières, ce n'est pas les putschistes que vous allez frapper, c'est moi que vous allez frapper, a plaidé Bolloré. Et vous constaterez qu'il n'est pas venu seul. Il est venu avec Nicolas Sarkozy, un délinquant condamné à la prison ferme mais dont la procédure suspensive d'appel lui permet de ne pas croupir au fond d'une cellule pour l'instant, qui a la particularité d'être non seulement un ami de Ouattara, celui grâce auquel ce dernier a été installé au pouvoir en Côte d'Ivoire, mais également celui parmi les ex-chefs d'État français qu'Emmanuel Macron écoute le plus. Les relations entre Macron et Bolloré sont exécrables. Il est de notoriété publique qu'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle française et donc adversaire redouté d'Emmanuel Macron, est financé et soutenu par Bolloré. Sarkozy est le trait d'union entre des adversaires qui se battent pour la présidence française. Suite à la visite à Abidjan, des arbitrages vont se faire entre Bolloré qui s'est acheté un empire médiatique en France dont le président sortant a besoin pour être réélu, et Macron, qui détient le gourdin des sanctions pour asphyxier financièrement le parrain de Zemmour. Et c'est ainsi que, sans surprise, l'instance sous-régionale CDAO, lorsqu'elle a enfin siégé en session extraordinaire vendredi, n'a pas annoncé la fermeture de ses frontières avec le Burkina Faso. Vous voyez, la guerre au Sahel est directement liée à la lutte pour le pouvoir en France. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Sahel et en Afrique en général ne peut pas être compris si on a le nez dans le guidon. Il faut décrypter la situation africaine à l'aune du contexte international. Et dans ce cadre, je vais vous parler de l'Ukraine, de Taïwan, de la Russie, de la Chine, de l'Europe, des USA et de nous-mêmes. Concernant l'Ukraine, contrairement aux campagnes d'intox propagées dans les médias occidentaux, Poutine a raison. Et c'est d'ailleurs pour avoir dit cela que le chef d'état-major de la marine allemande a été contraint à la démission il y a 10 jours. En effet, après la Seconde Guerre mondiale et avec l'émergence de la guerre froide, les deux blocs, Est et Ouest, se sont tombés d'accord. Chacun a sa zone d'influence et personne ne va chercher à mettre le désordre dans le champ de l'autre. C'est le non-respect de ce deal qui avait créé les problèmes entre John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev quand les USA, en 1961, ont déployé en Turquie et en Italie des missiles capables d'atteindre le territoire soviétique. Pour répondre à cette violation, la Russie a déployé des missiles et des sous-marins à Cuba, à une encablure des États-Unis. Cette escalade a failli aboutir à une nouvelle guerre, mais a été de justesse évitée par la signature d'un engagement de non-invasion de Cuba par les États-Unis. Chacun a alors retiré ses missiles et ses rampes de lancement. L'accord entre les deux blocs a été renouvelé en 90 au moment de la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'Union soviétique. L'OTAN ne doit se déployer dans aucun des pays qui a une frontière avec la Russie. Or, on voit aujourd'hui en Ukraine que l'OTAN est aux portes de la Russie. Ça ne peut pas marcher. Si Joe Biden était à son second mandat, il n'hésiterait pas à entraîner les Européens dans une guerre contre la Russie en Ukraine. Mais à quelques mois des élections de mi-mandat et au vu de l'ambiance catastrophique de quasi-guerre civile qui règne à l'intérieur même des États-Unis, c'est peu probable. En effet, des populations et même des États sont en train de réfléchir sérieusement à l'éclatement de l'Union, à la révision de la notion de démocratie, du système électoral et même de la sacro-sainte Constitution. L'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par des citoyens américains en colère qui déclaraient que l'élection présidentielle avait été volée n'a été que le premier point culminant de ce climat délétère, mais certainement pas le dernier. Des populations s'arment et certains États procèdent déjà à l'adoption de lois qui leur donnent plus d'indépendance par rapport au pouvoir fédéral et qui promettent des épisodes épiques lors de la prochaine présidentielle américaine. À côté de tout ça, il y a l'Indo-Pacifique, où Pékin semble décidé à imposer le concept de la Chine unique, concrétisé par la réunification avec la province rebelle Taïwan, fût-ce au prix d'une invasion militaire. Les USA, qui ont dû abroger le traité de défense qui les liait à Taïwan lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine en 1979, provoquent le géant asiatique dans son précaré et sont même tentés d'autoriser le Japon, qui manœuvre adroitement, à avoir une bombe atomique. Les faucons de la droite américaine font un gros lobbying pour que l'armée américaine se positionne dans la mer de Chine et multiplient les provocations. La grosse baffe que les Américains ont assenée à la France avec l'affaire des sous-marins australiens il y a quelques semaines s'inscrit dans la droite ligne de ce conflit, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente dont je vous remets le lien ici. Il est peu probable que Biden veuille engager en même temps une guerre nucléaire avec la Russie en Europe et avec la Chine en Asie. Par ailleurs, les Français veulent continuer à faire du business avec les Chinois. C'est seulement quand c'est nous qui faisons du business avec les Chinois que ça les dérange. Sinon, eux-mêmes là, ils sont dedans jusqu'au cou. Ils ne sont donc pas prêts à suivre les Américains dans leurs palabres à Taïwan. Mais en même temps, les Français reprochent aux Allemands d'être trop compréhensifs avec la Russie concernant l'Ukraine. Les Américains aussi sont impatients de voir l'Allemagne détruire le projet Nord Stream 2, le gazoduc russe d'acheminement du gaz vers l'Allemagne. Mais Berlin, en janvier-février, ce n'est pas chaud comme la Floride. Et en plein hiver, une telle mesure est inenvisageable pour l'Allemagne. Par ailleurs, l'annulation de la mise en service du gazoduc entraînerait un manque de compétitivité industrielle pour l'industrie allemande, nicht möglich, impossible. Et puisqu'on parle de la Russie, Le 23 octobre 2019 à Sotchi, un jour avant que je n'y tienne mon fameux discours, c'est Vladimir Poutine qui était sur la scène. À tous les chefs d'État et de gouvernement africains présents, et ils étaient nombreux là-bas au sommet Russie-Afrique, il a dit ceci. L'époque de l'URSS est terminée. On ne va plus dans les pays pour des raisons idéologiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire du business. Vous avez ici tout ce que nous pouvons offrir en termes de know-how et de produits. Si vous avez l'argent, vous payez, on vous remet. Que ce soit l'énergie, l'agriculture, le nucléaire, le train, l'espace, les équipements médicaux ou militaires, c'est là. Vous payez, on livre. Les Africains se trouvent donc devant deux approches. Les Chinois, comme les Russes ou les Turcs, ne viennent pas pour les conquérir militairement, même si économiquement, on peut arriver au même résultat. Quand ils viennent faire l'exploitation des mines, à la clé, ils ajoutent des chemins de fer, des ports, des routes, des aéroports, des stades, des échangeurs. Ils proposent même souvent de construire des usines chez nous pour créer des emplois. Ils ont l'argent. Souvent, ils préfinancent et quand les ressources sont produites par les États africains, elles sont vendues avec certaines modalités de paiement particulières aux Chinois en guise de remboursement. Les Russes ont moins d'argent que les Chinois, donc préfinancement là, c'est pas trop leur truc. Mais les Russes acceptent les propositions des chefs d'État africains qui souvent offrent de payer en diamants, en pétrole, en or, en bois, en fer, en cobalt, etc. Les Russes disent « on ne peut pas faire du troc, mais on peut vous aider à exploiter ces ressources, même si ce ne sera pas gratuit. » Ils disent par exemple « nous sommes les premiers producteurs de diamants au monde. Si vous avez des mines, une fois que les coûts, les charges d'exploitation de nos investissements sont couverts de façon transparente, le reste de l'argent, c'est pour vous. Après, si vous dites que vous voulez des services de sécurité, des équipements militaires, des écoles, des hôpitaux, des barrages, des centrales nucléaires, eh bien, vous avez dorénavant de l'argent pour vous offrir ces services et ces équipements. Initialement, vous n'aviez pas d'argent pour nous payer pour venir le faire et nous n'avions pas d'argent pour le préfinancer. Mais si on suit ce business model, on va faire des affaires qui nous seront bénéfiques à tous et on n'exige aucun monopole. Et c'est ainsi que le Mali, selon les propres termes de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en 7 mois de coopération sécuritaire des nouvelles autorités maliennes avec la Russie, a été capable de s'équiper militairement mieux qu'en 20 ans de collaboration avec la France. L'approche chinoise, russe ou turque, c'est des deals gagnant-gagnant, relativement plus transparents et bénéfiques pour nos pays que le modèle français à la Bouygues ou Bolloré qui, eux, exigent des monopoles sous la menace de leur armée d'occupation et puis qui disparaissent avec tout, les ressources, l'argent, tout, sans partage. Pour protéger leurs investissements, ces nouveaux joueurs sont obligés de s'adapter au contexte. Face à l'armée française qui souhaite le terrain un peu partout en Afrique et qui tente de tout s'approprier, et face à la présence américaine dans la surveillance des mers, ils ont intérêt à être eux-mêmes dans les parages en Afrique. Et c'est ainsi que ces nouveaux acteurs sont présents avec des bases militaires à Djibouti ou comme les Chinois font croiser des porte-avions et des sous-marins dans le golfe de Guinée ou alors, comme les Russes, sont déjà sur le terrain aux côtés des armées centrafricaines et maliennes et bientôt aussi aux côtés de l'armée burkinabé, si tout se passe bien, pour déloger les terroristes et les rebelles sanguinaires que la France et les Occidentaux ont positionnés chez nous et qu'ils y entretiennent. Indo-Pacifique, Taïwan, Ukraine, Sahel, Centrafrique, vous voyez que tout se tient sur l'échiquier géopolitique mondial. En 1884-1885, Bismarck, qui était alors le grand patron du coin, a appelé les Européens pour leur dire « On ne va pas se faire des palabres à cause de ces sauvages Africains. On va aller les conquérir, nous approprier leurs terres, leurs ressources et les civiliser. » Ils ont adopté des règles lors de la conférence de Berlin, puis ils ont foncé sur nous d'un commun accord pour nous dépecer. Mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont à nouveau partagé le monde. La Russie a eu sa part avec l'Europe de l'Est, les USA ont eu leur part au Moyen-Orient et en Amérique latine, les Chinois ont eu le reste de l'Asie, on a laissé l'Afrique aux Français. Et c'est parce que les Français ont violé les termes du deal en s'agitant en Crimée, en Géorgie et en Ukraine que les Russes sont à nos côtés aujourd'hui. Ne nous y trompons pas, ils ne sont pas là par amour pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts et aussi pour punir la France qui a marché sur leur plate-bande. Ce que tu fais chez moi, je vais venir faire ça chez toi. Sauf que chez eux là, en fait, c'est chez nous. Aujourd'hui, la France essaye de fédérer tous les Européens autour de la reconquête du continent africain. Et dans le paradigme qui sous-tend cette agression, nos chefs d'État ne comptent pas, nos institutions ne comptent pas. C'est seulement ce que eux vont décider là-bas qui compte. Ils sont certains qu'il y aura toujours des relais locaux sur le terrain pour s'assurer que leurs ordres sont bien exécutés. Mais si c'est vrai pour les dirigeants africains, ce ne l'est plus du tout pour les peuples d'Afrique. Les Français n'ont pas évolué. Ils ne se rendent pas compte du changement générationnel qui a eu lieu en Afrique. La période au sortir des indépendances avec des Senghor, des Oufoué qui ne juraient que par la domination française est révolue. Ceux qui ont suivi, qui ont fait leurs études en France et ne se sentent vraiment africains que lorsqu'ils appliquent les instructions venues de Paris, sont en train de devenir minoritaires. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle génération d'Africains qui ne comprend pas qu'on leur dise, quand ils vont en France ou en Europe, qu'ils ne sont pas chez eux là-bas. Et quand ils sont en Afrique ou qu'ils y reviennent, ils y trouvent aussi des Français qui leur disent « C'est nous qui décidons chez vous et ce sont nos intérêts qui priment. » Cette nouvelle génération d'Africains, en civil ou en uniforme, n'accepte plus ça. C'est fini. Pour l'instant, les Africains sont des petits pions sur le champ géopolitique global. Notre intelligence doit se traduire par notre capacité à manœuvrer adroitement autour des palabres des grands entre eux pour traverser l'échiquier et devenir enfin le géant que nous méritons d'être. Assimi Goïta le fait avec talent. Faustin Archange Touadéra aussi. C'est ainsi que les renversements de Roch Marc-Christian Caboret, Alpha Condé, Ibrahim Boubacar Keïta sont une vraie opportunité d'émancipation pour nous, peuple d'Afrique, avide de liberté et d'autodétermination. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour expliquer en détail pourquoi le putsch au Burkina Faso était inéluctable et aussi pourquoi il est prévisible que les prochains coups d'État auront lieu au Niger, en Côte d'Ivoire et au Togo. Ne la ratez surtout pas, ça va swinguer. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de continuer à me soutenir après la sanction de démonétisation de mes comptes prise par les relais censeurs de nos adversaires que sont Facebook, Twitter et YouTube. Les liens pour contribuer financièrement sont en dessous. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait des dons pour me permettre de continuer à produire du contenu éducatif et à très bientôt pour la suite du combat. On va casser les papots sur le Faso. Merci.

Reconnaissez-vous une erreur que vous avez faite dans cette campagne ? Une seule, ça serait trop beau. J'ai dû en faire... Bon, j'ai pas réussi à imposer un thème qui m'était cher. Bon, je suis pas arrivé. Lequel ? Je voulais qu'on parle de la question de l'eau, parce que je pense que c'est le grand sujet qui arrive devant nous. Et que, bon, comme d'habitude, certains grands sujets, ils sont mis de côté, soit parce qu'ils font peur. Bon, quand il y a un défi, que voulez-vous, vous faites avec. C'est pas forcément pour en avoir peur. Alors, je crois que j'aurais aimé qu'on parle de ça. Et puis, voilà, je suis pas non plus arrivé à vraiment imposer le débat sur la pauvreté et ses causes dans le pays. C'est voilà, il y a 9 millions de pauvres, je ne le supporte pas, j'imagine que vous non plus. Aucun Français ne supporte ça, donc il faut y remédier. Et que je sais pas combien d'autres thèmes, j'aimerais vous dire que j'aurais aimé qu'on traite de l'espace, de ceci, de cela, mais que voulez-vous, vous appuyez sur un bouton et vous avez la guerre d'Ukraine du matin au soir. Avant, c'était le Covid du matin au soir. La campagne a été un peu écartée. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie. Donc là, on va essayer de mesurer la radioactivité ambiante. À Narbonne, le bruit de fond, c'est la normalité. Il est à 43 coups par seconde, 44. On va voir quand on s'approche du site. On est trois fois au-dessus, là. Là, on est à 450 coups par seconde. Là, il y a un monsieur qui passe juste là. Bientôt à 500 coups par seconde. Et tout ça, ce sont des fûts radioactifs. Au cours de cette enquête, je ne pensais pas trouver de tel niveau de radioactivité à Narbonne, autour de la plus grande usine de conversion d'uranium en Europe. Il y a un mec de la sécu au bout. 2400, 2500 coups par seconde. Alimenté par l'uranium provenant notamment d'Afrique, ce site rejette des dizaines de milliers de tonnes de déchets, à 3 km du centre-ville de Narbonne. Des citoyens dénoncent les pollutions de l'usine. Regardez l'état des installations. Mais ils peinent à mobiliser. De l'uranium comme on aime, rien de tel pour la santé. Et on dit merci qui ? Orano ! Orano ! Les dirigeants d'Orano, le nouveau nom d'Areva, rejettent les accusations. Je suis très clair sur le sujet. Il n'y a aucun impact environnemental autour du site. Pour vérifier, aux côtés des habitants, nous allons enquêter et rechercher une potentielle contamination à l'uranium. Pendant un an, nous allons réaliser des dizaines de prélèvements pour les faire analyser dans un laboratoire indépendant. Nous présenterons notre travail aux citoyens qui luttent pour préserver leur environnement et leur santé. Nos résultats feront l'actualité. C'est une usine qui inquiète les riverains dans l'Aude. Ces bassins contiennent des boues nitratées et radioactives. Les associations de riverains se mobilisent. Notre enquête s'invitera même dans le débat politique. Des journalistes de Vert d'Orage ont rendu public des mesures effectuées autour du site d'Orano. Vous vous devez de réagir. C'est inacceptable.